Avec Kéhékla. C'est pas vous dire qu'on compte à tout, mon petit la fièvre, mon petit tête fait mal. Comprenez, qui vous dit, vous malade pour ça. Kéhékla, alors cherchez le roi de on qui yon pran kèhè kèhè kla mais qui yon pran son même qui batte tout kèhè kèhè kla oui. Parce que en principe yon des livres yon fi ouvert devant ou pas fait pour lui là-dedans ou pas fait pour lui parce que ou mettre ouvert livre là ou mettre défaité ou mettre l'île ou pas bien ka comprendre ça là-dedans. Parce que livre sans être en bibliothèque, femme, non, c'est femme qui fait. Mon autre bagage plus important. Regardez camarades là. J'ai pas de travail à faire, pas bon. Achal Kali